Duke, da vodka. Ouais, la dernière des terres, mon Dieu. J'suis juste un homme qui fait du son, présent sur le net, pas un cyber-rappeur. La chien pour tout brûler, si le rap est mort, j'suis l'incinérateur. Marre vos blabla, le crime, j'vais finir par le commettre. J'suis peut-être un misérable, mais quand j'paiera, c'est pas pour vous faire la causette. Prépare les hands à plat, j'débarque pour cette millième boucherie. Qu'un blast de Davodka ce soir sous sa dixième bougie. J'ai plus péché qu'un chalutier, j'regrette encore, j'ai trop merdé. J'aurais même peur de me confesser, de peur que le prêtre s'endort. Avec le vice, ça se marie, ça patine, ça marine, ça varie. C'est l'anarchie, ça n'arrive qu'à Paris, ça pratique la varie. J'suis pas comme les stars qui sortent de scène, et d'ailleurs dans mes sons, la plupart sont la cible. Le flic récolte ceux qui s'aiment, la plupart de nos soeurs, ce serait qu'on lui crame à la cible. Ta meuf rêve d'un château, te parle de cœur, mais t'as charmé en traite. Maintenant va à ta banque, tu te rendras compte que l'amour est dans le prêt. Là, c'est la terre des terres, celle qui fait criser toute la terre. L'album s'appelle Un point, c'est tout, car il suffit pour fister tout le rap game. Marre d'être à l'arrêt, car faire de cet enfer, j'ai l'âge. Bientôt 25 balais, il serait peut-être temps de faire le ménage. Pareil que j'ai pas ponine, à force de traquer vos Tommy. Pour réussir, faut faire un tube, être dans le coup comme une trachéotomie. La terre des terres, un point, c'est tout. Je fais mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que je veux en voir, c'est le pouce. C'est l'heure de faire mes bagages, car il faut que je m'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page. La terre des terres, un point, c'est tout. Je fais mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que je veux en voir, c'est le pouce. C'est l'heure de faire mes bagages, car faut que je m'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page. Alors que les gars se dissipent dans le rap indé, y'a pas plus de 4 disciples. Un vrai guerrier attaque toujours par le front comme une calvitie. Ils disent de la merde en mac, l'hémoglobine sort de leur boule. Ne t'étonne pas si bientôt on trouve des hémorroïdes dans leur bouche. Tu sais bosser dans les dents, ça sert à rien de t'emballer trop vite. Prends ça dans les dents, ça fait 10 piges qu'on pose là sans parler profit. Dès que tout sera sa sortie, mon objectif j'aurais atteint. Moi j'aurais dû être un sans pierre vu que tous les profs disaient que j'avais un grain. Moi y'a pas d'horaire, ce soir j'suis déjà assez buté au rhum. Pas d'aurore boréale, on voit que des mecs boréales dès l'aurore. Toujours en déche, tu cherches la mer, j't'éclate sans deck. J'voulais vous voir les bras en l'air, mais j'ai plus le temps vu que j'ai des tas d'emmerdes. Pas de Panama à l'arraché, tous les plans caves sont acharnés. Un peu de panache pour s'égayer, les mômes débutent au panaché. J'parle pas pour les puristes, y'a que les rookies que j'accuse. Mon groupe sanguin, c'est comme ce son, une dernière prise, et puis j'vous dis à plus. La der des der, un point c'est tout. J'fais mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que j'veux en voir, c'est le pouce. C'est leur faire mes bagages, car il faut que j'm'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page. La der des der, un point c'est tout. J'fais mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que je veux en voir, c'est le pouce. Et leur faire mes bagages, car faut que je m'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page. La der des der, un point c'est tout. J'ai mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que je veux en voir, c'est le pouce. Et leur faire mes bagages, car il faut que je m'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page. La der des der, un point c'est tout. J'ai mon train de vie, le rap c'est un tunnel. Et ce que je veux en voir, c'est le pouce. Et leur faire mes bagages, car faut que je m'éloigne de tous ces rapaces. J'ai préféré fermer le bouquin plutôt que tourner la page.